En place pour la leçon de twist. On n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui fait du dégât. Et comme moi, il vous prendra. C'est une danse au rythme merveilleux.

Oh. lente.